vieille chanson du siècle dernier, juste avant la diabolique invention des synthétiseurs au goût plastifié, gifle mon crâne pour vomir d'émotion, le craquement d'un vinyle et me voilà pédalant sur un tricycle bicolore, sur les gravillons d'une allée devant chez moi. J'en frémis les odeurs comme si j'y étais encore, mais ce n'est qu'un disque, une galette en plastique, pas une machine fantastique, juste un morceau de musique. Ce n'est qu'un disque, une galette en plastique, pas une machine fantastique, juste un morceau de musique. Déjà échappé, perdu comme les journées poussiéreuses, et les partenaires de jeu enterrés au profit d'une compagnie beaucoup plus précieuse. Et je m'y revois comme si tu étais là, mais de cette nostalgie plus rien de bon, de ce miel plus rien ne sera. Alors fermons les yeux, rangeons les disques et vivons, car ce n'est qu'un disque, une galette en plastique, pas une machine fantastique, juste un morceau de musique. Ce n'est qu'un disque, une galette en plastique, pas une machine fantastique, juste un morceau de musique.